Valley. Tu m'as regardé et déjà tu as pris peur. Tu voulais un ange qui ne fasse jamais de prison. Moi j'ai pris de l'avance en devenant un petit démon. Mais tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas crié. Premier jeu, première connerie, je réinventais la torture. Je terrorisais les fourmis en les prenant en filature. Leur lit découvert, je commençais leur procès. Pas de quartier, c'était la guerre. Elles finissaient toutes noyées. Mais tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas crié. À 10 ans et demi, première rencontre avec les keufs. Je roulais dans une Audi, volée avec ma meuf. La banque qu'ils m'ont donnée n'a pas suffi. J'ai recommencé avec une Ferrari. Mais tu n'as pas crié. Tu n'as pas crié. Arrivé à l'adolescence, je me suis trouvé comme un con. Je n'avais plus d'essence, j'ai dû braquer une station. Le pompiste a pris perpète quand j'y ai mis le feu. Enfermé dans les toilettes, il a gueulé comme un bœuf. Mais tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas crié. À ma majorité, tu pensais me dire au revoir. J'avais besoin d'un peu de blé. Je t'ai mis sur le trottoir. Détruis ton beau bureau et repeins tout en rose. Engager des clodos pour y faire une maison close. Mais tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas crié. 25 ans plein fort physique, je m'engage dans un commando. On fait de la politique en brandissant la main bien haut. Le temps de s'ennuyer, activité de plein air, on frappe sur des étrangers avec des barres en fer. Mais tu n'as pas crié. Mais tu n'as pas crié. À peine arrivé au pouvoir, la première chose que j'ai faite pour te dire au revoir, je t'ai organisé une fête. Exécuté dans la rue, c'est moi qui t'ai fait mourir. La dernière chose que t'as vue, c'était mon premier sourire. Parce que tu as crié. Parce que tu as crié. Enfin, tu as crié.